Bukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Seuls deux partis politiques, le CNDD-FDD et l'UPRONA ainsi que la coalition dite Burundi Bwabo se ont déjà déposé dans toutes les communes des dossiers de candidature pour les prochaines élections communales et à travers toutes les provinces pour les élections des députés, comme l'annonce le chargé de la communication au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le tribunal de grande instance de Rumonge a condamné à une peine d'une année de servitude pénale et une amende d'un million de francs burundais chacun, deux hommes accusés d'importer frauduleusement des pagnes et du chanvre indien. C'était au cours d'un procès de flagrance de ce samedi et dans la chronique nutrition de ce dimanche, nous parlons de la farine mixte des noix thérapeutique numéro 1 considérée comme une excellente source en éléments nutritifs. Voilà pour le sommaire. Innocent Uwoniman assure la mise en onde. Un an de prison fermée et une amende d'un million de francs burundais chacun, tel est le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rumonge, siégeant en matière de flagrance l'après-midi de ce samedi contre deux hommes récemment attrapés en train d'introduire frauduleusement à Rumonge des pagnes et chanvres indiens. Ils se sont rendus coupables du concours d'infraction, d'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale et d'importation des stupéfiants. La troisième personne poursuivie dans ce dossier a été acquittée et le tribunal de grande instance de Rumonge ne s'est pas prononcé sur le sort du chanvre indien dont le parquet de Rumonge n'avait pas le procès verbal de destruction. Jean-Pierre Misago. Dans cette audience publique siégeant en matière de flagrance, Nkurunziza Mathieu et Kenese Adrien, habitant le quartier Nkayamba de la ville de Rumonge, ont plaidé coupables. Ils ont reconnu avoir été attrapés en train d'introduire frauduleusement à Rumonge 357 pagnes et 50 kilos de chanvre indien en provenance de la République démocratique du Congo où ils prestaient comme pêcheurs selon leur dire. Des commerçants positionnés de l'autre côté du lac Tanganyika les auraient sollicités dans le transport de ces marchandises fraudées à bord d'une pirogue et allaient être payés à Rumonge à la réception par Samuel Nimagalise, un intermédiaire avec qui ils échangeaient par voie téléphonique avant leur arrestation selon leur déclaration. Le parquet de Rumonge a voulu savoir s'il est possible de relier Rumonge à la République démocratique du Congo en passant par le lac Tanganyika à bord d'une pirogue et comment ils pouvaient retrouver l'intermédiaire car les téléphones n'ont pas été saisis. Le substitut du procureur a requis 10 ans de prison ferme et une amende de 500 000 francs burundais chacun contre ceux-là ayant plaidé coupable pour atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale et 5 ans de prison ferme et une amende de 250 000 francs burundais contre Samuel pour complicité. Après délibération, le tribunal de grande instance de Rumonge a décidé un an de prison ferme et une amende d'un million chacun contre Nkurunziza Mathieu et Kenese Adrien pour s'être rendu coupable de concours réel d'infraction, d'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale et de l'importation des stupéfiants. De son côté, Nimagalitse Samuel a été acquitté. Le tribunal de grande instance de Rumonge s'est réservé sur le sort des 50 kg de chanvre indien saisi mais dont la soi-disant destruction n'a pas été verbalisée. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Politique à présent, seuls deux partis politiques et une coalition ont déjà déposé dans toutes les communes des dossiers de candidature pour les prochaines élections communales et à travers toutes les provinces pour les élections des députés. Il s'agit du parti au pouvoir, le CNDD-FDD et l'UPRONA, ainsi que la coalition dite Burundi Bwabo, c'est comme l'indique le commissaire chargé de la communication au sein de la Commission électorale nationale indépendante. CENI. Au cours de l'émission de la radio Isanganiro Mosaïque de ce samedi, François Bizimana a dit qu'il suivra l'étape d'analyse des dossiers déposés. Suivez-le, il répond aux questions d'Evariste Nzikobanya. Là, ce qu'il faut noter, déposer les dossiers de candidature, c'est une étape. Ces dossiers seront analysés au niveau des organes compétents de la CENI. C'est là où nous allons très bien préciser le nombre de partis politiques qui vont entrer en compétition pour les élections communales, coalitions, mais aussi indépendants. Mais pour le moment, au stade actuel, retenez ces informations que je vous livre les informations validées par les organes compétents. Nous allons vous les présenter juste après l'analyse des dossiers de candidature. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Nous poursuivons cette édition. Un fonctionnaire peut exercer un autre métier après les heures de service, comme le témoigne Menedor Akimana de la commune Rangwa en province Kayanza, qui fait des activités de menuiserie conjointement avec l'enseignement. Elle indique qu'elle a commencé avec un capital d'un prêt de 300 000 francs seulement, mais qu'actuellement elle a plus de 10 millions de francs burundais de capital. Les voisins, tout comme l'administration communale de Rango, apprécie positivement le travail de cette femme leader, Patrick Nsengiyumva. Akimana Menedor, cette femme originaire de la colline Muzumule en commune Lango de la province Kayanza, qui exerce les activités de menuiserie alors qu'elle est également enseignante, indique que l'idée d'entreprendre cette activité génératrice de revenus a jailli après des enseignements reçus dans l'organisation Search for Common Ground, des enseignements qui l'ont réunie avec d'autres femmes entrepreneurs, témoigne-t-elle. Cette femme entrepreneur dit qu'elle a débuté son projet avec un petit capital de 300 000 francs seulement et dit aujourd'hui se réjouir qu'elle a plus de 10 millions du capital après s'acheter des forêts d'eucalyptus, des parcelles et des vaches dans le bénéfice, pour ne citer que cela. Akimana Menedor parle toutefois de certains des défis auxquels elle fait face dans ses activités de menuiserie, comme, dit-elle, le manque des machines à bois pour améliorer ses prestations, auxquelles s'ajoute aussi le manque des ouvriers qui font le sillage, lesquels les ouvriers, cette menuisière à Lango, dit qu'elle est obligée de les chercher dans d'autres communes de la province Kayanza, autre que Lango. Les voisins de cette femme entrepreneur exerçant la menuiserie Arango apprécie positivement que Akimana Menedor est une leader en matière de développement à la colline Muzumule et demande à d'autres femmes de la prendre pour modèle. Même son de cloche avec Deissi Wabahokubgayo, administrateur communal Arango, qui fait savoir que cette femme s'organise bien en ce qui est de l'exercice de ses fonctions de l'État et de ses travaux de menuiserie aussi. Il ajoute d'ailleurs que c'est un modèle à suivre pour d'autres femmes entrepreneurs qui veulent se développer. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva va pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La farine mixte des noix thérapeutiques numéro 1 est une excellente source de protéines, de fibres et de graisses saines. De plus, elles sont faibles en glucides, ce qui est une option délicieuse. Selon Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, cette farine est riche en calcium et a une teneur plus élevée en lipides, ce qui en fait un ingrédient intéressant pour la régulation du transit intestinal et le maintien d'une bonne digestion, Jean-Marie Mayong. Comme l'explique Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, cette farine a une teneur plus élevée en lipides. Il commence à nous parler de sa composition. C'est une farine excellente qui joue un grand rôle dans notre organisme. C'est une farine associée par beaucoup de noix, beaucoup de fruits qu'on appelle les fruits secs, les fruits vraiment qui ont une grande importance dans notre organisme. En fait, des fruits composés, beaucoup de nutriments, beaucoup de minéraux, beaucoup de lipides, beaucoup d'éléments vraiment très essentiels. Nous pouvons quand même commencer par les ingrédients composés par cette farine. Les composants de cette farine, il s'agit des noix d'acajou. composé par beaucoup de nutriments, beaucoup de protéines, beaucoup de minéraux, beaucoup d'éléments phytochimiques, beaucoup d'éléments très essentiels dans notre organisme. La farine est composée par aussi ce qu'on appelle noix d'amande. La farine est composée par ce qu'on appelle grenet de lait. La farine des noix mixte des noix thérapeutiques est composée par des sésames, est composée par des soja et aussi les noix d'aubergine. Ce chercheur signale également que cette farine est riche en vitamines et en antioxydants qui aident à neutraliser les radicaux libres dans l'organisme. C'est la farine très riche en beaucoup de nutriments, très riche en protéines, très riche en minéraux, très riche en fibres végétales alimentaires, très riche en lipides, c'est-à-dire les bonnes graisses, très riche en éléments phytochimiques, en fait des éléments qui ne sont pas nutritifs mais qui jouent d'autres choses très importantes dans notre organisme. Et par exemple, si nous commençons par les noix d'ocajou, les noix d'ocajou vraiment jouent un grand rôle pour neutraliser beaucoup de choses. Par exemple, pour une personne qui a des stress, les éléments qui se trouvent dans la noix d'ocajou peuvent absorber, peuvent aspirer le stress qui se trouve, ou bien le stress oxydatif qui se trouve dans notre cerveau ou bien que nous avons accumulé. Les personnes qui souffrent de néuropathie peuvent consommer assez la bouillie de cette farine. En cas de néuropathie, les personnes qui ont des problèmes de néuropathie doivent consommer cette bouillie ou bien cette farine en abondance. Parce que quand vous utilisez cette bouillie ou bien cette farine, ça va trouver beaucoup de solutions. Par exemple, vous verrez des personnes qui sont envoyées chez le gentil à cause des problèmes des nerfs comme ça, ou bien qui sont envoyés aux médecins neurologues comme ça à cause des maladies neurologiques comme la neuropathie. Si ces personnes consomment cette farine ou cette bouillie, la farine ou bien cette bouillie va trouver des solutions pour ces personnes. Et aussi en cas de nervosité, la personne en question doit faire recours à cette bouillie. Dans la prochaine chronique nutrition, on vous parlera des autres éléments qui se trouvent dans cette farine et les personnes qui peuvent consommer beaucoup plus la bouillie de cette farine. Jean-Marie Mayonga, et c'est la fin de cette édition. Innocent Bibonimana a assuré la mise en onde. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alain Désiré, Bukeneza. Yeah.